Ndeko, ozali vainqueur. Dominé l'icolo, yava pouvoir nyonso, ya monde, ya ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu m'as choisi avant la fondation du monde. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et c'est ngona Yesu, comme on en a kobika. Et c'est ngona tata, comme on en a la kimia. Et c'est ngona Yesu, comme on en a la longa. Onza moyo, Dieu d'amour. Onza moyo, souviens-toi de moi. Tata, comment on a la kimia? Et c'est mon aïeux, comment on a la longa? Onza moyo, Dieu d'amour. Onza moyo, souviens-toi de moi. Je suis plus que le cœur, pensé lui qui m'a aimé. Je suis plus que le cœur, pensé lui qui m'a sauvé. Reste en moi. Yo, tu n'es pas n'importe qui. Po oyo nimela afute la onyongo monene kuna na ekulusu. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Tu es vainqueur, winner. O bonanga bona longa na makamwa minene. O linganga koleka bolingo ya bato ya mokili ya mata mipepe to minyokwe. Na kotika yo te na kanga mabobele na yo Bolingo ya bato ya mokili ya mata mipepe to minyokwe. Na kotika yo te na kanga mabobele na yo e. Nzambe mosusu te ti mayeme Jezi e. Bomele yo Yesu ti mazwazi Jezi e. Ti mayeme e. Onza boyo Dieu d'amour. Onza boyo souviens-toi de moi. Je suis plus que le cœur pensé. possible. Oui, c'est possible. Échec et natasoli récite. Oui, c'est possible. Et si Kabalobi pauvreté natasoli richesse. Oui, c'est possible. Et si Kabalobi célibat natasoli mariage. Oui, c'est possible. Et si Kabalobi chômage natasoli misala. Oui, c'est possible. Et si Kabalobi stérilité natasoli mamota. Oui, c'est possible. Balobi mambola, natasoli nasa monsieur.